amis, oh, quel bonheur. J'étais chez moi en train de faire passer un casting aux filles de l'immeuble quand on frappe à ma porte. Ah, je me rhabille, je vais ouvrir. C'était Zouzou, mon voisin homo-brésilien. Qu'est-ce que tu veux, la braguette arrière? Moi, je veux te donner place pour le concert Dalai Lama. Moi, je peux pas aller urgence au Queen. Ha! Le Dalai Lama. J'adore! Merci, la truffe. Y a pas de mal. Bon. Et je me suis retrouvé à Bercy. Ah, j'avais apporté ma pancarte humoristique charcutière tibétaine, spéciale Dalai Lama. Vive le saucisson Dalai! Et puis, qu'est-ce que... Oh, non. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il se met à raconter des trucs, des conneries pacifistes, des... Aimez-vous les uns les autres? Tu seras heureux quand tu seras réincarné en hibou. Ben, c'est pas un chinois. Si, c'est un chinois d'ail. Vive le poisson qui nage. Bon, je me suis dit, ça va pas le faire. Je descends sur scène, je lui fais signe de venir me voir et je lui demande s'il veut pas chanter plutôt des petits trucs au lieu de dire des conneries. Comme il était pas vraiment pour, je lui ai proposé de partager avec moi l'eau de la paix universelle, c'est-à-dire les schnapps. Il a pris 3 gorgées. Ah, le bonze, ça l'a déchiré. 5 minutes après, il était en perfecto sur scène et s'est mis à chanter les classiques d'Eddie Mitchell. C'était génial! Il a commencé fort avec pas de boogie woogie avant vos prières du soir, pas de boogie. Il a enchaîné sensuel avec la lumière s'éteint déjà, et le film est terminé. Oh, ça a continué dans le bonheur, le voyage! Sur la route de Memphis, sur la route. Et puis on a tous chialé au cimetière des éléphants. Et l'émotion était au rendez-vous enfin avec. On l'était maquillé, comme une star de ciné. Elle était bien dans sa peau, la fille aux yeux mentalo. Oh, quelle soirée, Christophe! On a fini avec toute l'équipe dans les coulisses à boire du schnapps au riz. Oh, je leur ai fait ma blague bouddhiste préférée, celle où je dis aux filles que je suis réincarné en string et que je leur saute dessus. Quelle rigolade! Oh, bien sûr, en fin de soirée, on a tous fait... L'amour! Bon, je vous laisse. J'ai rendez-vous avec Jacques Martin qui m'a demandé des conseils pour réussir son comeback. Au revoir.